Després d'un temps de pausa, retorna a la vostra graella aquest espai. Hola, la música amb una nova temporada. La música cantada en francès, i així és com l'entenem. Entenem o no l'idioma, la música ens encanta i la música també. Salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí. Menys paraules i molta música amb aquests 60 minuts és el que tindrem a partir d'ara amb els nostres espais, recuperant excel·lents àlbums de la música francesa. Com per exemple aquest en disc del 2013 que avui ens acompanyarà, música dels Enfoirés, com es vulguin pronunciar, i que ens aportaran la Bota Musique, amb diferents artistes i companyia que ens aconduiran les seves cançons. I un plaer escoltar-los, gent molt diversa, com James Jackson, Goldman o d'altres que en el dia d'avui estaran al nostre costat. Prepareu-vos, doncs, a escoltar durant tot una sèrie de minuts la bona música que ens portaran aquests artistes. Així sona Hola La Música, i així sona a la nostra sintonia. Attention au départ, direction notre histoire. Larguez les amarres, 1, 2, 3, 4 pour un soir. Accordez les guitares, les violons, les regards. Suivez les tendards, 1, 2, 3, 4 pour y croire. Je sais danser, moi je sais chanter. Je pourrais

de toi. Je suis qu'un fantôme quand tu vas où je suis pas. Tu sais, maman, que je suis Morgane. Esteu escoltant Oh La La Music, el programa de música francesa presentat per Rafael Corbí. On s'était dit rendez-vous dans 10 ans, même jour, même heure, même pas. On verra quand on aura 30 ans, sur les marches de la place des grands hommes. Le jour est venu et moi aussi, et je veux pas être le premier. Si on n'avait plus rien à se dire, et si je fais des détours dans le quartier. C'est fou ce qu'un crépuscule de printemps ressemble au même crépuscule qu'à 10 ans. Trottoirs et par les regards baissés, qu'est-ce que j'ai fait de ces années? J'ai pas flotté tranquille sur l'eau, j'ai pas nagé le vent dans le dos. Dernière ligne droite, la rue sous flot. Combien seront là? 4, 3, 2, 1, 0. On s'était dit rendez-vous dans 10 ans, même jour, même heure, même pas. On verra quand on aura 30 ans. Des grands hommes. J'avais eu si souvent envie d'elle. La belle Laurie me regardera-t-elle? Car où voulait explorer subconscient? Ont-ils à la surface de temps en temps? J'ai un peu peur de traverser le miroir. Si j'y allais pas, je me serais trompé d'un soir. Devant une vitrine d'antiquité, j'imagine les retrouvailles de l'amitié. Hey, ça peut changer, qu'est-ce que tu deviens? Tu t'es marié, t'as un cameraman. T'as réussi, tu veux mettre ça? Et toi Pascal, tu te marres toujours pour rien? Hey, on s'était dit rendez-vous dans 10 ans, même jour, même heure, même pomme. On verra quand on aura. J'ai connu des mariottes et des maripas. Comme vous, comme vous, comme vous. J'ai rencontré des tempêtes et des bourrasques. Comme vous, comme vous, comme vous. Chacun moment a une nouvelle affaiblesse. Et vous, et vous, et vous. Et toi, Christophe, qu'ambitionnais simplement d'être heureux dans la vie. As-tu réussi ton pari? Et toi Maxime, et toi Zazie, et toi Hélène, et toi Jean-Louis, et toi Patrick, et toi Jean-Jacques. Bon ben c'est formidable les copains. On s'est tout dit, on serre la main, ouais. On peut pas mettre 10 ans sur table, comme on étale ses lettres au scrap. La vitrine, je vois le reflet d'une enfoirée derrière moi. Elle part à gauche, je la suivrai. Si c'est à droite, attendez-moi. Attendez-moi. Recordarem un parell més de cançons d'aquest disc, d'aquest extraordinari àlbum del 2013, que avui repassem Hola la música, música en directe, com sempre ens aporten els empresaris amb les seves cançons i la seva música. Grans artistes cantant conjuntament per un bé per tots nosaltres. J'ai vu le sang sur ma peau. J'ai vu la fureur et les cris.

petit matin sans horizon, petit café fumé d'usine. Je regarde derrière des maisons, les femmes sont à leur cuisine. Y a des oiseaux qui se font la cour sur les fils du bel téléphone. Et dans l'ouïe crevé de ma cour, un 747 qui résonne. Il pousse un gros transformateur au cœur de ce qui fut un chêne. Sur la vitre, je trace un cœur que la buée retient à peine. Le transistor hurle à la mort, des airs à faire peindre un merle. Les enfants s'amusent dehors, dans la slush, un collier de perles. Petit matin, petit matin, petit matin, sans horizon. Le journal, crime passionnel rue Lacordaire. Paraît que ça va de plus en plus mal pour les mangeurs de pommes de terre. Paraît aussi que le président s'amuse à jouer à la roulette. En deux annonces à la page 100, avec ce qui reste de la planète. Moi je m'en viens à mon piano, je trouve cet air de ma grand-mère. Et pour les mots, je mets le fond long de mon petit matin solitaire. Dommage à que ce soit si gris, j'aurais voulu dire autre chose. Faudrait recommencer la vie avant de rechanter les roses. Petit matin, raison, petit matin, petit matin, sans horizon. La primera de les cançons de l'Emily Clare és aquest petit matin que acabem d'escoltar. En recuperem una del 2012 a continuació. Chez moi, je vous invite. Y a de la joie chez moi. C'est merveilleux. À côté des étoiles, j'habite. À deux pas du ciel toujours bleu. J'attendrai chez moi votre visite. Là-haut sous les toits, dans mon logis, tous les jours je reçois. Venez, venez vite, c'est gentil chez moi. Venez-y. Papa poudre, papa poudre, papa poudre, papa poudre, papa poudre, papa papa poudre, papa poudre, papa poudre, Bye. venez chez moi, je vous invite. Vous serez pour moi le seul ami. Nous n'aurons plus jamais de visiteurs. À la porte, tous les ennuis. Nous serons heureux dans mon sixième. Il y a place pour deux dans mon logis. On comptera les fois où nous dirons je t'aime. Es-tu bien chez moi? Restons-y. Chez moi. Avec la levée du jour et qui me laisse dans l'espoir d'un retour. Pourquoi ne pas faire durer ce matin jusqu'à demain? Je t'offrirai des croissants de soleil pour déjeuner à la saveur de miel et de rosée. Un plateau de drap et d'oreiller qui fait rêver. J'inventerai des recettes de bonheur à volonté sur une musique venue d'un ciel de mai que tu ne voudras plus jamais quitter sans regretter. De rêve, nous goûterons à l'amour et l'eau fraîche. Et puis quand viendra le nouveau matin, on sera si bien. Je t'offrirai des croissants de soleil pour déjeuner à la saveur du miel et de rosée. Plateau de drap et d'oreiller qui fait rêver. J'inventerai des recettes de bonheur à volonté sur une musique venue d'un ciel de mai que tu ne voudras plus jamais quitter sans regretter. Bras dessus, bras dessous.